Le comité de mesures urgentes pour sauver les victimes de l'enlèvement de la République populaire démocratique de Corée a envoyé à Pakuné le 22 une lettre de protestation du fait que le Sud détient toujours de force nos citoyennes kidnappées collectivement. Il indique, entre autres, tout le monde sait déjà que le centre de renseignement du Sud a kidnappé collectivement en plein jour, le 5 avril dernier, nos citoyennes qui géraient un restaurant à Ningbo, province de Zhejiang en Chine, pour les entraîner de force en Corée du Sud. Ce crime est une violation grossière de la dignité et de la souveraineté de notre République et une grave provocation politique. La dernière affaire d'enlèvement est un attentat international ultra-géant délibéré et organisé sous l'intervention des autorités sud-coréennes et un acte anti-humain et contre les droits de l'homme qui a détruit et foulé aux pieds la famille en paix et en bonne entente. Plus de 40 jours ont passé depuis que nos jeunes filles ont été entraînées au Sud. Aujourd'hui, les parents qui ont perdu leurs chers enfants sont au comble de l'indignation contre les autorités sud-coréennes qui cachent même leurs nouvelles de vie ou de mort et réclament de les leur renvoyer immédiatement. Nous avons déjà demandé catégoriquement au Sud par diverses voies de présenter les excuses pour l'enlèvement collectif, de renvoyer sans condition nos citoyennes et de punir ou de passer à notre tribunal ceux qui ont pris part au kidnapping, mais le Sud préteste effrontément on ne sait quelle volonté libre et signe de sympathie pour refuser à tort et à travers notre juste demande. Nous réitérons une fois de plus au Sud de présenter les excuses pour le crime sans précédent, de renvoyer immédiatement et sans condition nos citoyennes, de punir sévèrement ou de passer à notre tribunal les personnes qui ont participé en l'enlèvement et manipulé le crime. Pour l'immédiat, nous demandons de prendre immédiatement la mesure pratique pour que les parents des victimes se rendent via Panmunjom à Séoul pour rencontrer leurs enfants et les emmener dans la patrie.